Le brouillard s'élève épais et froid. Chaque pas dans la boue résonne comme un choix. Près de ce qu'il avance épais prête, regard vif sous les chaînes, chaque onde devient motif. Le vent porte les échos d'un feu ancien. Les bas ennemis tremblent sous nos mains. Chaque ronde imposée, chaque pierre levée forge le destin dans la nuit troublée. Une torche clignote, l'œil scrute le noir. Près de ce qu'il ne cède pas, ne dort pas ce soir. Les voix s'élèvent dans la brume matinale. Chant de soutien, douce mélodie vitale. Près de ce qu'il écoute, l'âme tendue. Sous la pluie fine, la foi est revue. Les liens secrets, invisibles. Chaque regard échangé devient trésor. Racine et cendre, feu sanctifié. Rien n'est-ce qu'il guide la forêt sacrée. Chaque victoire résonne dans le sous-bois. Chaque pas construit notre loi. Les ennemis tombent sous notre stratégie. Chaque embuscade devient mélodie. Les bottes claquent, le sol vibre. Raider skill inspire, la peur s'esquive. On reconstruit au milieu des débris. Chaque perte transformée en énergie. Sous l'aube naissante, nos esprits s'élancent. On avance toujours, jamais par défiance. Un souffle court traverse les feuilles. Raiders qu'il sourit, le danger s'effeuille. Chaque souffle, chaque pas, chaque cri prépare la tempête, annonce l'ennemi. Racine et cendre, feu sanctifié. Riders qu'il guide les cœurs liés. La forêt résonne de notre rituel. Chaque victoire est un appel au ciel. Le soleil perce, la brume s'efface. Mais dans chaque arbre brûle notre audace. Riders qu'il disparaît, droit et fier. La forêt respire, mais la guerre reste claire.